cela? Quelle figure! Est-ce un moment que vous allez porter? Est-il temps d'aller en masque? Parlez donc! Qu'est-ce que c'est que ceci? Qui vous a fagoté comme cela? Voyez l'impertinente de parler de la sorte, hein, Mamamouchi. Comment donc? Oui, il me faut porter du respect maintenant. Et l'on vient de me faire Mamamouchi. Que voulez-vous donc dire avec votre Mamamouchi? Mamamouchi, vous dis-je. Je suis Mamamouchi. Quelle bête est-ce là? Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue, paladin. Paladin? Êtes-vous en âge de danser des ballets? Quelle ignorante! Je dis paladin. C'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Quelle cérémonie donc? Mam et ta periordina. Qu'est-ce que cela veut dire? Yordina, c'est-à-dire Jourdain. Eh bien, quoi, Jourdain? Voler, phare ou une paladina des Yordina. Comment? Dar, turbanta, con galera. Qu'est-ce à dire, ça? Père defender, palestina. Que voulez-vous nous dire? Dara, dara, bastonara. Qu'est-ce donc que ce jargon-là? Non tener honta, questa star, l'ultima affronta. Qu'est-ce que c'est donc que tout cela? Oulaba, balachou, balaba, balada, oulaba, balachou, balaba, balada, oulaba, balachou, balaba, balada. Mon mari est devenu fou! Paix insolente, portez respect à monsieur le Mamamouchi. Où est-ce qu'il a donc perdu l'esprit? Courons l'empêcher de sortir. Voici justement le reste de notre équipe. Je ne vois que chagrin de tous les côtés.